Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 22 janvier 2018. Voici les grands titres de cette édition. La ministre de l'Éducation nationale, Geneviève Ndirahisha, affirme que le Burundi a pu récupérer la bagatelle de 8 milliards de francs burundais avec le redéploiement des enseignants opéré l'année dernière. Elle présentait ce lundi les réalisations de son ministère pour l'année écoulée. Les commerçants de Ruziba en zone et commune urbaine de Kanyosha au sud de Bujumbura se plaignent de travailler à perte et demandent que le marché nouvellement construit soit effectivement fonctionnel, comme cela a été officiellement déclaré il y a un bout de temps. Reportage à suivre dans ce journal. Une maman de Kajiji en zone urbaine de Kanyosha est sous interrogatoire de la police après avoir poignardé son enfant au dos, l'accusant d'avoir fait cramer du haricot. Et le guichet unique, un service qui devait abriter certains services décentralisés à Muyinga comme l'octroi des permis de conduire, les passeports ou autres, n'est pas fonctionnel plus de deux mois après le lancement officiel de ses activités. Et en actualité sportive, nous parlerons du coup d'envoi de la phase retour du championnat national de football en première division, un début difficile pour les équipes Messa Ngozi et Lydia Ludic. En actualité internationale à Kinshasa, la police a une nouvelle fois violemment dispersé dimanche matin les manifestations qui avaient été interdites. Il y aurait eu au moins 6 morts, selon la MONUSCO. Toujours en actualité africaine, l'ex-footballeur de légende George Weah a été investi président du Liberia ce lundi matin à Monrovia. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour et bonne condition d'écoute. La ministre de l'Éducation nationale, Geneviève Ndirahisha, affirme que le Burundi a pu récupérer la somme de 8 milliards de francs burundais avec le redéploiement des enseignants opéré l'année dernière. Elle présentait ce lundi les réalisations de son ministère pour l'année écoulée. L'occasion pour elle d'expliquer que cet argent était payé à des enseignants sous-employés. Suivez-la. Au titre du renforcement de la bonne gouvernance administrative, nous avons réalisé l'opération de redéploiement des personnels qui a concerné plus de 4 800 personnes, aussi bien enseignants qu'administratifs. Il est de noter que cette opération a permis de mettre à jour les besoins réels en ressources humaines qui pourront orienter les recrutements de manière objective. En outre, grâce à cette opération, l'État a fait des économies de l'ordre de 8 569 800 000 francs par an. Le redéploiement a aussi mis en exergue des cas frauduleux d'enseignants fictifs qui touchaient des salaires indûment sans prestige. Les responsables ont commencé à rembourser les montants perçus. La ministre de l'Éducation nationale, Geneviève Ndirahisha, reconnaît par ailleurs que l'ouverture des cycles de master et doctorat à l'Université du Burundi permettra au pays de combler son déficit en personnel enseignant hautement qualifié. Encore une fois, la ministre Geneviève Ndirahisha. À l'enseignement supérieur, les cours se sont déroulés sans encombre. Mais le fait marquant de 2017, c'est un nul de l'ouverture de l'école doctorale à l'Université du Burundi, ainsi que des offres de formation master consacrées à l'accomplissement effectif de la réforme baccalauréat, master, doctorat au plan académique. Sans être exhaustive, nous citerons entre autres actions importantes qui ont marqué l'année 2017 dans le cadre de l'amélioration des conditions d'apprentissage et de la qualité au fondamental, au post-fondamental. La ministre Geneviève Ndirahisha de l'Éducation nationale. Un enfant de moins d'une dizaine d'années a été blessé à coups de couteau par sa mère au quartier Kajiji de la zone urbaine de Kanyosha ce dimanche pour avoir fait cramer du haricot. La police confirme cet acte qu'elle qualifie d'ignoble. Pierre Nguriquié, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, précise que cette dame est pour le moment sous interrogatoire de la police. Suivez Pierre Nguriquié, joint au téléphone tout à l'heure par Placide Niyomongere. La police est au courant de cet acte criminel ignoble et a immédiatement appréhendé l'auteur qui est une dame et elle est gardée à vue pour le moment pour interrogatoire. Afin que son dossier soit confectionné, que le dossier soit transmis au parquet, afin que cette mère indigne réponde de ses actes devant la justice. Mais est-ce qu'on peut confirmer ou infirmer qu'il s'agissait de sa mère? C'était bel et bien sa mère. Il y avait des enfants qui ont été imputés les bras, il y a d'autres qui ont été enterrés vivants, il y a aussi cet enfant qui vient d'avoir un coup de couteau de la part de sa mère. Quelle est l'explication que vous donnez à tous ces crimes? Et ce sont des crimes odieux. auquel on n'était pas habitué, qui montre qu'il y a des parents qui ont délaissé le rôle de parents. La police fait tout le possible pour pouvoir mettre fin à ce genre de criminalité qui a été constaté ces derniers jours. Les parents doivent savoir qu'ils ont le droit et l'obligation d'éduquer plutôt leurs enfants dans la bonne voie et pour que dans l'avenir, ils puissent les aider même et aider leur pays, mais aussi assurer leur bon avenir. Pierre Ngourikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. La Banque centrale devrait disponibiliser la petite monnaie en vue de faciliter les échanges entre les passagers et les convoyeurs de bus. C'est l'avis de Monique Kayiwanda, professeure d'université. Elle fait remarquer que le manque de ces petites monnaies pour certaines personnes a demandé plus d'argent que le prix de transport déjà connu. Suivez-la. La montée de prix d'essence, ça fait qu'on monte des prix des déplacements, que ce soit au niveau de l'intérieur du pays ainsi qu'au niveau de l'intérieur de Bujumbura. Ce qu'il fallait plutôt se préparer, c'est comment maintenant faire des échanges pour qu'on ait les petites monnaies, en fait de rembourser facilement les reliquats de 20 francs. Et ces billets doivent être disponibles sur le marché pour qu'ils soient utilisés. Il faut que les organisateurs, au niveau peut-être du ministère du Commerce ou au niveau des banques, surtout la banque commerciale, cherchent de tout moyen pour disponibiliser les billets, en fait, de faire ces reliquats. Il y a une réponse immédiate. C'est cette mise sur le marché des petites monnaies. À long terme, solution de réchange durable, c'est d'utiliser les monnaies électroniques. Ils peuvent utiliser les cartes bancaires. Il y a aussi les monnaies électroniques des opérateurs comme Leo, EcoCash, comme LumiCash. C'est aussi utilisable. Plutôt ces opérateurs, que ce soit au niveau banque, que ce soit au niveau de ces communicateurs, devaient profiter de cette situation et mettre des petites agences au niveau des bus, de façon que les clients payent. Comme ça, c'est plus facile. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. 13h, 1 minute, à Bujumbura. Les maisonnettes servant de bistrot et restaurants se trouvant en dessous du marché du chef-lieu de la province Karusi, endroit communément appelé Kiyovu, doivent être détruites à partir de ce lundi avant que l'administration n'use de sa force. L'administrateur communal de Bouiga explique que cette mesure a été prise pour sauvegarder la sécurité et lutter contre les ligalas. Il ajoute aussi que l'endroit doit être remis au service d'urbanisme pour qu'il y soit construite des maisons en dur. Correspondance de Blaise Pascal Kararumi. Les propriétaires de ces bistrots et restaurants sont intimés d'ordre déménager dès ce lundi de cet endroit qui est appelé communément Kiyovu, qui est en dessous du marché du chef-lieu de la province Karus. Ces bistrots sont principalement de la bière locale, avec quelques-uns seulement qui vendent les produits de la Braroudi. Ces bistrots sont principalement de la bière locale, avec quelques-uns seulement qui vendent les produits de la Braroudi. Ces propriétaires grognent que c'est la troisième fois qu'ils sont malmenés. L'administration communale les installa dans cet endroit trois fois, mais déplore aussi qu'ils paient régulièrement les taxes communales exigées par la loi. Cet ordre a été signifié ce samedi lors d'une rencontre que l'administrateur communal de Bouiga a tenu à l'intention des commerçants, les chauffeurs, les taxis vélos et les taxis motos, mais aussi les habitants qui vivent dans les alentours du marché pour l'explication du projet de constitution. L'administrateur Ephrasine Akarutimana indique que l'administration pourra user de force pour les propriétaires qui n'auront pas déménagé de cet endroit à la fin de cette semaine. Il explique que c'est pour des raisons de sauvegarde de la sécurité, de lutter contre le fainéantisme et les ligalas que l'administration communale a pris cette mesure. L'administrateur Ephrasine Akarutimana signale aussi que cette place doit être restituée au service de l'urbanisme pour des constructions en dur, explique l'administrateur communal. Signalons que ces constructions servant de bistrot et restaurant sont en planche. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumié pour Radio Isanganiro. Et le guichet unique, un service qui devait abriter certains services décentralisés à Muyinga, comme l'octroi des permis de conduire ou autres, n'est pas fonctionnel. Plus de deux mois après le lancement officiel de ses activités, les employés du guichet se plaignent du manque d'équipement et d'électricité. Dieudonné Zeimana pour plus de détails. À une vingtaine de mètres à gauche du bureau du gouverneur de la province Muyinga se trouve un bâtiment dénommé guichet unique, un centre plutôt multi-service. Les habitants de Muyinga ont besoin des passeports, laissés passer, extraits d'actes judiciaires et autres documents devraient être accueillis à ce guichet. Mais jusqu'à aujourd'hui, le guichet n'est pas fonctionnel. On doit aller à Bujumbura, à plus de 200 km. Des habitants passant un à un à ce bureau, espérant avoir les papiers regrette que plus de deux mois passent sans opérationnaliser ce guichet en octobre. Le ministère en charge de l'emploi a officiellement lancé les activités de ces guichets dans 5 provinces pilotes du pays. À Muyinga, où certains employés se présentent au service sans rien faire, des sources affirment que des soucis techniques perdurent. Jusqu'à l'heure actuelle, par exemple, le bâtiment du guichet unique n'est pas alimenté en électricité pour faire fonctionner les ordinateurs. Zo Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. On reste à Muyinga pour vous dire qu'une fille finaliste en section économique au lycée de Rugari a été arrêtée par la police ce lundi matin. Elle est poursuivie pour avoir jeté dans une latrine un bébé qu'elle venait d'accoucher. Des enseignants du lycée affirment que la fille originaire de la province Changuzo avait caché être enceinte et que par ailleurs, c'était la deuxième fois qu'elle est tombée enceinte. Le dossier va être jugé en flagrance d'après les sources policières sur place. Toujours dans le nord du pays, un certain Frédéric Ndouimana de Tangara en province Ngozi a disparu depuis le 9 janvier de cette année. Ses proches disent qu'ils n'ont plus d'espoir de revoir vivant cet ancien conducteur de taximoto dans la capitale burundaise. Ils disent l'avoir cherché avec l'appui des associations de défense des droits des prisonniers dans différents cachots des provinces du Nord. Sans succès, la police dit n'être pas informée de cette disparition. Les commerçants, tout comme les acheteurs de Ruziwa en zone et commune urbaine de Kanyosha, au sud de Bujumbura, demandent que le marché nouvellement construit soit effectivement fonctionnel, comme cela a été officiellement déclaré il y a un bon bout de temps. Ces commerçants qui aujourd'hui travaillent près de la rivière Mugere se plaignent de travailler à perte. Ils disent ne pas comprendre où se trouve le blocage alors que le marché est prêt à fonctionner. Léonce Vitalihu. La plupart de ces vendeurs et acheteurs se trouvent dans un marché qui a été érigé provisoirement près de la rivière Mugere en attendant la fin des travaux pour le nouveau marché. Aujourd'hui que ce dernier a été construit et réceptionné officiellement, les commerçants souhaitent occuper leur stand, sinon ils travaillent perdant. À propos des opinions selon lesquelles la construction des stands en tôle métallique pose problème, ces commerçants disent que ce serait l'une des hypothèses, mais qui ne devrait pas empêcher les propriétaires d'intégrer le nouveau marché. Les listes des commerçants propriétaires de stands au marché de Ruziwa sont affichées depuis le 2 janvier. Le président de la commission chargée de les distribuer au sein de la mairie de Bujumbura avait dit que ces commerçants peuvent approcher le commissaire du marché en vue de voir ensemble ce qui est nécessaire et commencer effectivement à travailler. Le marché de Ruziwa est l'un des 7 qui ont été construits à Bujumbura, la capitale. Ils ont été officiellement réceptionnés en août 2017, mais ne sont pas fonctionnels jusqu'ici. Léonce Vitalio. Du sport maintenant, les formations de football, le Messager Ngozi et l'Idéalidic, évoluant en première division, ont mal commencé la phase retour du championnat baptisé Amstel League, édition 2017-2018. Après sa défaite devant Flambeau de l'Est de Ruyigi, l'Idéalidic a perdu 3 points. Messager Ngozi a perdu 2 points après avoir égalisé avec la même formation de cette province de l'Est du pays. Rien n'a changé pour la formation de Delta Star de Gatumba. Elle occupe la dernière position après avoir été battue par Aigle Noir de Makamba. Evariste Nzikobanya qui nous parle de ce début de la phase retour du championnat national de football en première division. Mercredi de la semaine dernière, l'Idéalidic Burundi Sport for Africa de Bujumbura a débuté la phase retour du championnat national en première division en province Ruyigi. L'Idéalidic Burundi Sport for Africa était visiteuse de Flambeau de l'Est de cette province de l'Est du pays. Cette rencontre n'a pas été fameuse pour l'Idéalidic qui s'est incliné 2-0 dans un match contre Flambeau de l'Est qui a bénéficié du soutien du public et du chef-lieu de la province de Ruyigi, ce qui a poussé l'Idéalidic à perdre 3 points malgré qu'elle est restée en deuxième position qu'elle détenait à la fin de la phase aller du championnat en cours. La formation de Flambeau de l'Est a également poussé Messager Ngozi à perdre 2 points lors du match de ce dimanche à Ruyigi même. Ce match s'est soldé sur le score vierge de 0 but partout. Cela étant, la formation de Messager Ngozi est restée en première position qu'elle détenait à la fin de la phase aller avec 40 points. La formation Aigle Noir de Makamba est restée en troisième position avec 37 points. C'est après avoir battu Delta Star de Gatumba 2-0 lors du match disputé au chef-lieu de la province Gitega. Ce match a poussé Aigle Noir à rester troisième du championnat, tandis que Delta Star est resté 16e, la dernière du championnat, avec 5 points et une dette de 29 buts. Évariste Nzikobanya Ngayelo, le lac Tanganyika est toujours menacé de pollution à cause des déchets provenant de certaines industries ou des constructions anarchiques sur le littoral du lac. Lors de la présentation du bilan annuel de 2017, le porte-parole du ministère de la Bonne Gouvernance a indiqué qu'ils ont déjà saisi le ministère de l'Environnement pour la prise des mesures irrelatives et concernant le fonds de 500 millions de francs burundais octroyés aux communes. Jean Bosco Naimera a dit que ce ministère a constaté que certaines communes n'ont pas mis en avant les projets prioritaires de la population. En actualité africaine, en République démocratique du Congo, 6 personnes sont mortes hier lors des marches anti-Kabila. Selon la BBC Afrique, le pape François s'est inquiété dimanche d'un nouvel épisode sanglant dans la crise politique en République démocratique du Congo, où la dispersion violente des marches contre le pouvoir a fait au moins 6 morts, d'après un bilan provisoire des Nations Unies. Dans le centre de Kinshasa, après la messe, plusieurs centaines de personnes avec des rameaux et des bibles ont marché sur 2 km entre la paroisse Christ-Roi vers la place Victoire avant de se heurter aux forces de l'ordre. Et l'ex-footballeur de légende George Weah a été investi président du Liberia ce lundi matin à Monrovia. C'est la première fois depuis les années 1940 qu'un chef de l'État démocratiquement élu succède à un autre au Liberia. D'après RFI, la cérémonie a eu lieu au stade Samuel Do, le plus grand de Monrovia, là où George Weah a tenu son dernier meeting avant de remporter le scrutin du 26 décembre dernier. Il succède à John Sirleaf, la première femme élue chef d'État en Afrique. Elle venait de passer 2 mandats de 6 ans au pouvoir. Il est 13h11 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Eric Ouimana, la mise en onde. Jean Bosco Ouimana au micro. Bon après-midi.